Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 6, colonne 1. Canadiens français. Le Poste de Montréal rend le chaleureux témoignage suivant aux Canadiens français à l'occasion de la Convention de Plattsburgh. Les Canadiens français cultivent leurs intérêts aux États-Unis et ils sont décidés à faire sentir leur action dans les affaires de ce pays. Cette conduite est éminemment naturelle et juste en face des calomnies soulevées récemment contre leur nationalité par des fonctionnaires publics et des statisticiens partiaux. Les Canadiens français du Massachusetts sont aujourd'hui au nombre de 70 000 et on trouve parmi eux nombre d'hommes sobres, actifs, qui se sont fait eux-mêmes hommes de position, qui font honneur à leur race et à la République américaine. En fait de sobriété, de moralité et de pratique des vertus domestiques, les ouvriers canadiens, qu'ils soient habiles ou non, soutiennent avantageusement la comparaison avec les autres. Ils sont aujourd'hui une puissance dans les États de l'Est, avec leurs églises, leurs écoles, leurs salles de lecture et leurs journaux, et aucun calomnisateur officiel ne pourra à l'avenir se permettre de les appeler les Chinois de l'Est. À la réunion de l'Association américaine pour l'avancement des sciences tenue en cette ville l'année dernière, il fut reconnu que de tous les peuples habitant l'Amérique du Nord, les Canadiens français sont les premiers en fait de puissance musculaire, qui sont les plus forts, ceux qui jouissent de la meilleure santé et qui ont les familles les plus nombreuses. Sous le rapport de la fécondité, ils semblent, en vérité, être singulièrement favorisés, car le psalmiste nous dit que les enfants sont une bénédiction du ciel et déclare « heureux l'homme qui en a plein sa demeure ». Heureux alors le peuple auquel sa merveilleuse multiplication a permis d'augmenter de 80 000 le chiffre primitif des colons quant à cesser définitivement l'immigration française à 1 500 000. Aux États-Unis, et quelquefois plus près de nous, on a fait mine de les dédaigner parce qu'ils sont pauvres. Mais la pauvreté honnête n'est pas un crime. S'ils ne sont pas aujourd'hui au haut de l'échelle commerciale, chacun sait que ce n'est pas qu'ils manquent d'aptitude, mais parce qu'ils constituaient les paysans primitifs du pays, les premiers propriétaires du sol, et que, jusqu'à ces derniers temps, ils n'ont pas eu l'occasion de rivaliser avec les rusés et les habiles du commerce et de la finance. S'ils sont pauvres, on peut leur appliquer ce que Longfellow a dit des Acadiens, « Les plus riches sont pauvres, mais les plus pauvres vivent dans l'abondance ». Quoi qu'il en soit, depuis un temps relativement assez rapproché, ils ont fait preuve de sagacité et d'aptitude merveilleuse pour les affaires. Des noms comme ceux de Sénécal, Hudon, Baudry, Quintal, Chaput, Grenier, etc., etc., sont portés par des hommes qui seraient au premier rang chez toute nation ayant le génie des affaires. On nous répète sur tous les tons qu'ils sont ignorants, mais ce qualificatif d'ignorant appartient à plus juste titre à ceux dont les connaissances sont assez bornées pour porter une telle accusation contre eux. Il est parfaitement connu que leurs collèges classiques sont les meilleurs de ce continent. Ils ont une littérature qui leur est propre, et leurs auteurs, historiens, poètes, journalistes occupent une place si élevée que plusieurs d'entre eux ont été couronnés par des institutions littéraires européennes, telles que l'Académie française, d'honneur très convoité. Leurs calomniateurs feraient bien de se rappeler que ce sont les Canadiens français qui ont ouvert au christianisme et à la civilisation ce continent de l'Amérique septentrionale et ont ainsi jeté les bases de cette prospérité sociale et commerciale dont d'autres réclament aujourd'hui l'honneur. Devant cette prétention d'hommes étrangers à leur race d'avoir tout fait pour le commerce et la finance ici, et les autres nationalités rien, les Canadiens français peuvent s'y crier à bon droit avec le grand poète latin « Os ego versiculos feci, tulit alter honores. »